suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à votre service, une série de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a les aides à domicile qui se sont trouvées en première ligne depuis le début de cette épidémie, qui pallient un vide autant qu'un non-dit et qui sont devenues indispensables à ceux et celles qui sont dépendants. Alors pour commencer, les personnages. Une auxiliaire au travail, une sociologue qui a fait du terrain, une aide attendue, une autre qui veut se former, une chef d'entreprise qui se positionne et un député et son rapport. Ensuite, le décor. L'intimité, le veuvage, des vocations, des reconversions, des trajets en voiture, des diplômes ou pas, de la psychologie, de la douceur, de l'attention, la ville et la campagne, la pauvreté, un chronomètre, de la maltraitance et de la pénibilité. Aujourd'hui, 4e épisode, on s'interroge. La réalité de la vie, c'est que quand on confie dans les 1000 premiers jours de leur vie nos bébés à des assistantes maternelles, et à l'autre bout de la chaîne, quand on fait confiance à des auxiliaires de vie sociale pour s'occuper des personnes âgées en perte d'autonomie, on voit bien qu'on est au cœur de la vie, on est au cœur de la société. Mais on a oublié l'essentiel, c'est que ce sont de véritables métiers. Véritables métiers, ça veut dire que c'est pas l'instinct maternel qui est déployé à travers, puisque vous êtes une femme, vous savez ce que c'est qu'un bébé et vous savez comment gérer un vieux. Mais au contraire, ce sont des professionnels. Bruno Bonnel, député LREM. Et donc, dans le rapport, notamment, on insiste énormément sur la notion de reconnaissance par des certifications, par des formations de ces métiers-là. Pourquoi ? Parce que comme on va avoir un besoin croissant de ces métiers dans les années qui viennent, notamment avec la grosse vague des baby-boomers qui vont arriver effectivement à des âges où ils vont avoir, pour une partie d'entre eux malheureusement, des situations de perte d'autonomie. L'estimation, effectivement, c'est de l'ordre de 1 million d'emplois à 2030. On ne peut pas se contenter de la vocation. L'aide à domicile en quête de reconnaissance. C'est l'auxiliaire de vie. Bonjour, ça va ? Ça va. Excusez-moi, j'ai un peu de retard. C'est pas grave. C'est quoi votre prénom, madame ? Bella. Bella. Pourquoi vous faites appel à une auxiliaire de vie sociale, vous ? Je suis malvoyante. D'accord. Et donc toute la semaine, je sors pas. Il n'y a que le week-end, quand j'ai mes enfants qui viennent, que je peux sortir. Donc Zinette, elle vient le mardi pour que je puisse sortir. C'est pour ça que les choses à l'intérieur, bon, elle fait surtout le ménage, quoi, sinon, à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pas besoin de soins corporels ou de choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Et puis là, par exemple, j'ai reçu du courrier. Donc, je lui demandais de regarder s'il n'y avait pas des reçus fiscaux pour les dons dedans, parce que je risque de jeter, voilà. Zinette, quelle relation vous établissez, vous, avec Bella ? Au début, c'était très professionnel, parce qu'en fait, je ne la voyais pas souvent. Parce que moi, je me souviens, j'intervenais chez elle juste pour des remplacements au début, quand votre époux était encore là. Et du coup, c'était vraiment que de l'entretien. Et puis après, malheureusement, voilà, il est parti. Et puis ensuite, ça a été de l'entretien, mais mine de rien, il y a quand même une relation qui s'est créée. Puis j'essaie un peu de la soutenir psychologiquement, parce que c'est pas évident d'être veuve, surtout après autant d'années de mariage. Puis surtout, c'est qu'entre deux, c'était l'amour fou. Et c'est trop beau. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, Zineb ? Honnêtement, c'est le côté humain. Et en fait, j'apprends plein de choses. Par exemple, je pense à un truc tout bête, à la guerre d'Algérie, ou malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, moi, on l'a tous étudié à l'école. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, la Shoah, je l'ai étudiée au collège. Mais je me suis pas rendu compte de la gravité de la chose. Alors, soit parce que j'écoutais pas beaucoup ou que j'avais pas une super prof, je ne sais pas. Et là, on en parle à des humains qui sont victimes de ces choses-là. Parce qu'en fait, j'ai rencontré des survivants de la Shoah ou des enfants de survivants. Et puis, c'est des choses aussi que j'ai transmises autour de moi, par exemple à mon petit frère. Parce que lui aussi, il n'en avait pas conscience. C'est dommage parce que on a l'impression que ces choses-là, elles se perdent. Pourtant, c'est des choses qu'il ne faut surtout pas oublier pour pas les reproduire, quoi. Tous mes parents ont été déportés. Du coup, quand je vous entends, j'ai l'impression que ça déborde complètement la fonction d'aide ménagère, comme on définissait autrefois les auxiliaires de vie ou les assistantes. Il y a autant le travail vraiment physique de l'auxiliaire de vie où il faut vraiment faire les courses, le ménage, accompagner à des rendez-vous médicaux tout en faisant attention, parce qu'il faut faire attention aux chutes. Il faut choisir les chemins les plus rapides, les moins compliqués, où il y a le moins d'escaliers. Enfin, c'est, faut vraiment savoir où on va. Sinon, il y a beaucoup. Enfin, moi, de mon côté, actuellement, je vois surtout des personnes qui font assez bien physiquement, mais je suis vraiment là pour d'autres choses, pour une présence. Comment vous êtes entrée dans ce métier, Zineb ? Bah, en fait, moi, j'ai toujours, depuis petit, je voulais être médecin et ou aider les gens. Enfin, je ne voyais pas quoi d'autre faire. Et petit à petit, bon, j'ai été en seconde générale, mais je travaillais pas beaucoup, donc je n'avais pas de très bonnes notes. J'ai redoublé, puis j'ai refait une réorientation en ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. C'est un cursus en professionnel qui forme des futurs auxiliaires de vie. Il y a deux options, ou à domicile ou en établissement. Puis en fait, moi, sur le coup, j'avais choisi en établissement parce que mon projet, c'était d'avoir mon diplôme d'auxiliaire de vie, puis en fait, de passer aide-soignante, puis infirmière, au tout début. Puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'avais de super notes, j'ai fait des super stages en maison de retraite à l'hôpital. Après, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Et puis, il fallait que je trouve un boulot. Et en fait, de fil en aiguille, c'est la mère d'une amie qui m'a dit postule chez Longivité et recrute des auxiliaires de vie. Du coup, j'ai postulé un mardi, puis j'ai commencé vendredi, tout de suite après. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, j'ai comme par hasard une collègue qui a posé sa démission et j'ai pris son planning entier. Parce qu'en fait, j'habite dans le 20e aussi. Du coup, on va dire que moi, j'ai eu cette chance-là de tout de suite commencer avec un temps plein. Et voilà, ça fait 4 ans. Et je pense qu'elle devrait quand même faire des études, pas forcément des études générales, mais des choses qui puissent lui servir dans ce travail. Parce qu'il y a un moment où le physique ne suit pas forcément et tout ça. Et comme elle est capable de suivre des études, je trouve qu'elle devrait faire les deux. C'est vrai que j'ai toujours en tête de reprendre les cours, mais vraiment de rester dans ce milieu-là pour mieux comprendre ce qui se cache derrière, quoi. Et pour même peut-être changer les choses. Oui. On verra. Pour le moment, j'y pense pas trop, mais c'est ce que j'ai en tête. Christelle Avril, alors vous êtes sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les aides à domicile, un autre monde populaire » qui est en fait une enquête que vous avez réalisée aux alentours des années 2000-2005, on va dire, donc il y a une quinzaine d'années, mais qui finalement n'a pas pris une ride. Ces femmes, effectivement, elles étaient déjà environ 400-500 000 au moment de mon étude. Aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses. Néanmoins, effectivement, ni leur niveau de salaire ni leurs conditions d'emploi n'ont réellement évolué depuis cette enquête. On peut dire que ce sont des femmes qui ont pour caractéristique d'être très âgées par rapport à la population des femmes en emploi. Plus de la moitié d'entre elles ont plus de 50 ans. Donc ce sont des femmes qui ont souvent eu une longue carrière, en fait, avant d'entrer dans l'aide à domicile, qui ont été ouvrières, par exemple, dans le textile, qui ont été employées dans des salons de coiffure, dans des petites entreprises d'artisanat qui ont mis la clé sous la porte. Elles ont été secrétaires aussi. Et quand elles recherchent du travail après 40 ans, elles entrent beaucoup plus difficilement dans des emplois comme des emplois de vendeuses ou comme caissières en supermarché. Et le seul secteur dans lequel elle trouve à s'employer après 40 ou 50 ans, c'est le secteur des services à la personne, et notamment soit comme femme de ménage, soit comme aide à domicile. Une partie d'entre elles est née à l'étranger, a migré. 20% d'entre elles aujourd'hui, c'est un chiffre extrêmement important. C'est le double, en fait, de la population des femmes en emploi. Donc une partie d'entre elles sont noires et arabes, et une partie d'entre elles, notamment parmi elles, sont nées à l'étranger et sont plutôt surqualifiées. Elles ont des qualifications, mais sur le marché du travail français, elles subissent des pressions racistes, certaines à l'hôpital, certaines dans des emplois administratifs, et elles finissent par quitter ces emplois pour aller travailler dans l'aide à domicile, où pour le coup, elles apprécient de ne pas avoir de collègues de travail, je dirais. On observe aussi, Christelle Avril, des différences entre milieu urbain et milieu rural. Il y a beaucoup d'aides à domicile qui travaillent en milieu rural, périurbain, dans des petites communes. Donc c'est une activité que font assez massivement les femmes d'agriculteurs aujourd'hui. Dans l'aide à domicile dans les grandes métropoles, certaines ont un conjoint qui a un revenu, mais une partie d'entre elles sont aussi des femmes seules, divorcées, veuves, célibataires, qui n'ont pour seul revenu que leur travail dans l'aide à domicile et qui sont vraiment très très loin de pouvoir avoir une voiture ou payer un plein d'essence. Et c'est ici. Les volets sont pas ouverts. Voilà. Vous pensez qu'elle est déjà réveillée ? Ah oui, elle m'attend. Elle m'attend. Madame Galant, c'est oui, Martine. C'est Martine. Qu'est-ce que vous faites là ? Je valide mon intervention. Votre arrivée, quoi ? Mon arrivée, voilà. Et je vois que ça déconne. Non, début. Hop. Ça bon. Va ? Bonjour, madame. Monsieur. Excusez-moi parce que mon lit, il est parti. Pas un problème. Je suis là pour faire le lit, mettre les bas. Oui. Là, je peux pas les mettre. Vous voyez, ma Arlette est très, très gentille. Elle baisse le fauteuil pour pas que j'ai mal au dos. Bah oui, bah oui. Vous êtes bien appareillé, vous, bien équipé. Hein. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui. Je redescends. Ça y est. Martine et Sylvie, vous avez 61 ans et 54 ans et toutes les deux, vous travaillez pour des associations à but non lucratif près d'Abbeville. Oui, près d'Abbeville, à Tours-en-Vimeu. Est-ce que vous avez été formées ou, toutes les deux ou vous êtes formées sur le tas ? Moi, j'avais commencé par faire le CAFAD, certificat d'aptitude d'aide à domicile, qui n'est pas reconnu pour ainsi dire maintenant de nos jours puisqu'il y a d'autres diplômes. Il change tout le temps le diplôme. Mais je fais des formations, l'entraide nous donne des formations, ASMR, bien traitance, maltraitance, enfin on fait des formations. Ça nous fait du bien, ça nous repose un peu. Hein, oui. Non, puis on apprend des choses aussi. Non, moi j'ai aucun diplôme, je suis arrivée, enfin je me suis inscrite en 2003, je suis allée m'inscrire à la maison du Vimevert le matin, et le soir j'étais appelée pour travailler sans diplôme, j'ai commencé comme ça, j'ai appris sur le temps, et puis je suis aussi bien que celles qui sont diplômées. Il faut aussi apprendre, quand on arrive chez les gens, la première fois qu'on arrive chez les gens, on les connaît pas. Donc il faut déjà arriver à canaliser un peu comment ils sont, leur caractère. Bon, parce qu'il y a aussi des personnes qui nous mentent. Hein. Non, non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas faim. Savoir si vraiment ils ont mangé. Moi, j'ai une mamie, elle me dit si, j'ai mangé. Donc il faut vérifier la veille dans le frigo s'il y a ça. Le lendemain matin, si ça y est encore, c'est qu'elle a pas mangé. Lui faire aussi accepter de... Enfin, il faut leur faire croire que c'est eux qui ont pris la décision alors que c'est nous qui leur commandons. C'est tout un art, c'est... Je ne sais pas, mais faut, de toute façon, il faut aimer. Si on ne les aime pas, il ne faut pas faire. Faut pas, parce que franchement, on n'est pas là pour leur dire oui, même s'il y a eu des problèmes dans la nuit. Enfin, bien souvent, ils sont mouillés le matin. On ne va pas leur faire la réflexion. Elle a corpissé dans son lit, tout ça. Non, ça, nous, on ne va pas lui dire. On va dire, oh, mais c'est pas grave. Allez, on va changer les draps. On va se lever. On va se changer. On va se mettre un peu d'autre colonne, faire sa toilette avant, bien sûr. Se faire belle, se coiffer, mettre un peu de crème au visage. Ça leur redonne le sourire. Parce que c'est vrai que c'est très difficile aussi pour les personnes de se voir diminuer comme ça. Donc il faut toujours leur donner le sourire. Toi, c'est en ville, moi, c'est à la campagne. Donc la campagne, c'est quand même plus pauvre, beaucoup plus pauvre qu'en ville. Quoi. C'est des gens qui ont 700 euros de retraite par mois. Ils ont pas grand-chose à manger non plus. Ça fait mal aussi. De moment, nous, quand je vais faire des courses, moi, ça m'arrive de ramener un petit croissant ou un petit gâteau. Une baguette. Donc il faut leur faire oublier le temps qu'on y est, leur mal-être aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses aussi. Qui sont toutes seules, qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes où on est la seule visite qu'ils aient de la journée. Et vous passez jamais plus de 30 minutes chez les personnes âgées ? Parfois 45 minutes. Enfin, tout au début, quand moi j'ai commencé, souvent on avait une heure le matin. Et après, c'était réduit à 45 minutes et maintenant ils réduisent à 30 minutes. Oui. Ce qui fait qu'on fait exactement le même travail qu'on faisait il y a quelques années. En 45 minutes ou en une heure, en 30 minutes. Il faut savoir aussi que quand c'est un monsieur, en plus de ce qu'on a à faire pour la dame, donc le monsieur, il faut le raser. On est de plus en plus obligé d'aller vite. Enfin, moi, je trouve que c'est de la maltraitance. Maltraitance pour nous, pour la, enfin, surtout pour la personne âgée. Ça angoisse les personnes aussi. Ouais. Les personnes âgées sont angoissées par l'heure, en fait. Nous, avec ? Parce que c'est un coût, en fait. Hein. 21 euros, je crois, de l'heure. Avant, là, c'est vrai qu'on prenait quand même le temps de discuter avec eux, boire un petit café après le boulot. Là, non, on peut même plus boire le café après le travail, puisque comme on pointe, il faut partir aussitôt. C'est-à-dire, quand on part le matin, on ne sait jamais quand on va finir. Oui. C'est ça le problème. Parce que parfois, on doit terminer, mettons, à 19h ou 18h ou 20h. Et il y a toujours un remplacement à faire. Donc, hop, sur le PDA, oh, remplacement. Le PDA, c'est quoi ? C'est notre téléphone où on pointe. C'est un peu comme l'usine, en fait. Vous pointez quand vous rentrez, vous pointez quand vous sortez à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme l'usine. Mais en même temps, c'est pas normal non plus, ça. Parce que ton PDA, comme tu dis si bien, quand tu vois que t'as un remplacement, tu peux pas refuser. Je peux pas refuser, ouais, non. Moi, je regrette. C'est pas normal qu'on ait pas le droit de refuser. C'est pour ça qu'après, il y a des filles aussi. Nous, notre association, il y a énormément d'arrêts maladie pour dépression. Les filles sont en dépression. Énormément. Mmh. Donc, c'est un stress. Moi, j'ai une horloge dans la tête. Depuis, enfin, nous, il n'y a pas longtemps, la maison du Vimevert, on fait ça depuis là, le mois de janvier. Enfin, moi, j'étais en arrêt maladie depuis un an pour une opération de l'épaule due au métier. Je suis reconnue en maladie professionnelle. Je suis revenue. Là, franchement, là je patauge. C'est stressant. C'est encore plus. Enfin, j'ai l'impression d'être maltraitée aussi. Comment vous êtes blessée? À force de porter les personnes, moi j'ai des maisons où il n'y a pas de lève malade, donc j'avais une dame de 120 kilos à porter toute seule. Donc c'est à force de porter depuis des années, donc c'est les épaules, après c'est... Enfin, toutes les collègues en général, on finit tous comme ça. Le dos, oui. Les épaules, les bras, les jambes, les genoux, tout. On est usé. À la fin, on est usé. Parfois aussi, ça serait bien d'avoir des binômes. Je trouve que quand une personne est assez lourde ou selon... Les fins de vie, enfin, des fois à deux, c'est quand même mieux à gérer. Christelle Avril, alors vous, un peu à la manière de Günther Wallraff qui s'était mis dans la peau d'un Turc ou d'un Noir, ou d'un Tristan qui avait enquêté sur le Front National, ou encore de Florence Aubenas qui s'était glissée dans la peau d'une femme de ménage, vous vous êtes mis dans la peau d'une aide à domicile pendant 2 ans. De quelle manière ça a éclairé votre étude ? Alors, le fait d'avoir fait ce travail a été pour moi vraiment une porte d'entrée assez extraordinaire, puisque je ne me représentais pas du tout les pénibilités de ce travail. Alors, ces pénibilités, elles sont d'abord physiques. Elles commencent leur journée de travail très très tôt et elles la finissent très tard. Mais pour autant, elles ne sont pas à temps complet. Elles ont des trous, ce qu'elles appellent des trous au milieu de la journée, où elles n'ont pas de locaux pour aller s'asseoir quelque part, discuter avec des collègues, etc. Alors beaucoup d'entre elles vont au McDo, parce que c'est un endroit où on les laisse s'asseoir sans consommer ou presque. Et puis, lorsque vous arrivez chez les personnes âgées, vous allez donc faire un ensemble de tâches physiques particulièrement éprouvantes et qui sont souvent faites dans des conditions qui ne sont pas celles du droit commun, puisque les lieux privés, les domiciles privés, ne sont pas des lieux de travail comme d'autres et ne sont pas soumis à une législation du travail identique. Et donc, il n'y a pas d'obligation d'équipement, par exemple, chez les personnes âgées. Or, c'est pas rare, hein. Je vous donne un exemple très simple, qu'une personne âgée dont, je sais pas, la machine à laver tombe en panne, ne la remplace pas ou sa famille ne la remplace pas parce que cette personne a 90 ans et on se dit, on va pas racheter une machine à laver maintenant. Donc, les aides à domicile vont laver le linge à la main. C'est assez loin des représentations, finalement, de ce type d'emploi où on a tendance beaucoup à accentuer le côté relationnel, qui bien sûr est important. Néanmoins, le côté physique et ouvrier du travail est lui-même très important. Elles sont souvent assimilées à des aides ménagères, ces aides à domicile, alors que ça revêt un caractère beaucoup plus large que cela, quand même, le métier d'aide à domicile, non ? Oui, alors aide ménagère, c'est l'ancien terme en fait. À partir des années 80-90, avec cette volonté de professionnaliser l'emploi, on va commencer à parler d'assistante de vie, d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie sociale, pour, vous avez raison, essayer de faire reconnaître en fait la multiplicité de leurs tâches et de leurs missions. Puis il y a l'aspect discussion avec des personnes qui d'abord ont énormément besoin de parler. Donc les aides à domicile souvent racontent ça, que la personne âgée les suit partout dans l'appartement en train de leur parler. Et donc il faut imaginer qu'elles, elles ont commencé à 7 heures, qu'elles ont enchaîné. Voilà, et donc c'est une dimension qu'elles peuvent apprécier à des moments, mais pas toujours en fait. Puis souvent les personnes répètent les mêmes discussions, leur reposent les mêmes questions. Donc il faut imaginer 2 fois par semaine, à la même heure, toutes les semaines, la même personne leur pose la même question. Et donc certaines aides à domicile vont depuis 10 ans chez les mêmes personnes. Donc là, il faut imaginer cet aspect de leur travail. Et puis évidemment, il y a des personnes qui ont des maladies psychiques qui peuvent provoquer aussi des situations d'agressivité. Et ça aussi, elles doivent apprendre, et j'insiste là-dessus parce qu'elles apprennent à gérer ces aspects du vieillissement psychique, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de ces femmes comme des femmes non qualifiées en fait. Est-ce qu'il vous arrive parfois de tomber sur des appartements ou des maisons qu'on pourrait juger insalubres ? Ah oui, moi j'en ai déjà eu. J'ai eu une maison où dans la salle, il y avait un rat qui se promenait. Après, j'ai eu une maison aussi, il y a des maisons où il n'y a pas de salle de bain, les toilettes, c'est vrai que ça existe aussi encore, qu'il n'y ait pas de toilettes. Mais vraiment insalubre, oui. Moi j'ai eu des maisons vraiment, vous ne pouviez même pas toucher à la table, la table était remplie de tout, des verres moisis, des maisons très insalubres, si, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant un peu moins, parce qu'en général on fait un signalement à l'association, et puis, bon, enfin, après, quand les gens volent, parce qu'ils sont chez eux aussi, hein, il y a aussi les odeurs aussi. Par exemple, une personne qui est restée, qu'on arrive le matin, si elle est souillée dans son lit, si elle est malade, si elle a vomi aussi, il y a tout ça aussi. C'est pas pour être méchante avec les gens, mais c'est une réalité aussi. Donc, il faut arriver à se contrôler, quoi. Enfin, il faut respirer avant de rentrer. Surmonter, quoi. Surmonter, oui. Avant de rentrer, oui, c'est vrai, comme dit Martine, je fume une clope, ou avant d'ouvrir la porte, je prends ma respiration, comme ça, et hop, après, une fois que je suis dans la maison, après, c'est parti. Moi, j'ai eu un appartement insalubre, le monsieur était très sale, un peu très vulgaire aussi, et des mains baladeuses. Et d'ailleurs, comme il y a eu une remontée d'informations par les filles, là, actuellement, on n'y va plus. Ça fait une quinzaine de jours, voire 3 semaines, qu'on va plus chez lui. Bon, des personnes un peu sales, oui, j'en ai eu quand même, oui. Ou qu'on nous demande d'acheter des cigarettes, des choses comme ça. L'alcool. Oui, de l'alcool. Des bières. Non, ça, on fait pas. On n'a pas le droit, normalement, on n'a pas le droit d'en acheter non plus. Non. Mais on en a supporté quand même. Ah oui, si, même avec les hommes, c'est vrai qu'il y a des hommes, c'est... je me suis déjà fait frapper aussi par un monsieur. Bon, après, c'est la maladie aussi, mais... Si, des coups dans le ventre, ça, j'en ai eu. Le monsieur était en fauteuil roulant, il était en pleine crise. Il voulait écraser sa femme. Enfin, on en rigole aussi. Il voulait écraser sa femme avec son fauteuil roulant. Et quand je suis intervenue, c'est là qu'il m'a mis des coups de poing dans le ventre. Il y en a des très, très gentils, tout ça. Mais il y en a aussi des très, très méchantes qui nous disent « Tu fais ce métier-là parce que t'as pas été capable de faire autre chose. T'es ma boniche, t'es ma femme de ménage. » Ça, oui, on l'entend aussi, ça. Parfois, ça m'est arrivé aussi d'aller chez des personnes et que les personnes ne vous ouvrent pas la porte. Ah oui. Donc, on doit laisser un avis de passage. Oui, nous mettre dehors. Nous mettre dehors en les insultant. Moi, ça m'est arrivé. Donc, on laisse un avis de passage. Comme ça, l'intervention est comptée. On sera payé quand même. Si on doit faire 2 heures, on sera payé 1 heure. Et voilà, ils seront obligés de payer de toute façon. C'est quand même bien, ça. Ben là, vous avez le droit à une aide ou... Oui. Oui, moi, j'ai le droit à une aide de la mairie, enfin, des œuvres sociales. Je crois que j'ai le droit à 30%, un truc comme ça. C'est compliqué parce que Parce que l'heure d'une auxiliaire de vie, elle n'est pas très chère. En tout cas, à Paris, elle ne coûte pas plus de 20 euros. Donc en fait, il faut se dire que dans cette heure-là, il y a l'heure de l'auxiliaire de vie, donc il y a son salaire, donc net, puis ensuite il y a le brut, tout ce qu'il faut payer, quoi, les taxes, tout ce qu'il y a. Et puis il y a aussi, il va y avoir comme une petite partie, donc pas grand-chose qui reste, qui va aller au bureau. Du coup, le salaire est très bas. Alors, pour avoir un bon salaire, il faut faire énormément d'heures. Et du coup, ça déborde. Puis moi, je me suis déjà retrouvée chez moi à 9h ou à 9h30. Vous voyez, enfin, moi, personnellement, ça ne m'embête pas. Mais moi, je vis tout près, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de... Vous voyez, j'ai pas de parents malades. Enfin, voilà, du coup, je suis jeune, donc ça va. Mais pour des collègues qui vivent en banlieue parisienne, qui prennent clairement au moins une heure de transport... Ils ne peuvent pas se permettre de finir à 20h, parce que quand ils vont se retrouver je ne sais où en banlieue, il va falloir prendre un bus, mais peut-être qu'à 9h, il n'y a plus de bus. Ce qui fait que vous, à temps plein, Zineb, vous arrivez à un salaire d'à peu près combien par mois ? Alors moi, je trouve que je gagne assez bien ma vie. Je peux aller jusqu'à 1700 euros par mois. Ouais. Mais parce que, vous voyez, je commence en gros à 8h, et je finis à 19h30. Je n'ai pas de pause... J'ai aucune pause entre... On peut déjeuner sur place avec certaines personnes, si elles le veulent bien. Puis moi, on va dire que j'ai la chance... J'ai une petite mamie chez qui j'interviens. Elle ne veut pas trop manger. Elle ne mange que s'il y a une ambiance familiale. Du coup, on déjeune avec elle. Et c'est hyper compliqué parce qu'on nous dit qu'on peut partir 10 minutes avant pour faire en sorte d'arriver à l'heure chez la personne suivante. Du coup, vous voyez, c'est hyper serré, hyper chargé. On court... des fois, on a des personnes qui ont besoin qu'on reste, en fait. Par exemple, une personne qui a perdu la vue, il faut que tout soit à sa place. Si elle a oublié quelque chose et qu'elle n'a pas retrouvé son téléphone ou sa télécommande, vous vous rendez compte qu'elle va vous attendre jusqu'au lendemain. Mais mine de rien, vraiment les 15 secondes, on ramasse la télécommande, on la repose sur la table, mais c'est 15 secondes de perdu dans la rue. Et après, c'est ça, c'est que 15 secondes devient une demi-heure, puis une heure. Et puis, c'est pas normal, ça. Oui. C'est pas normal qu'elle soit pas payée pendant le déplacement. Et c'est pas normal non plus d'être facturée, mettons, 3 heures, alors qu'il n'y a que 2h15 de fête. Vous seriez prête à payer un peu plus cher pour qu'on lui compte vraiment tout le temps effectif qu'elle réalise, voilà. Et qu'elle fasse ses 2 heures ou 3 heures pleines chez vous? Voilà, que le temps soit facturé. D'abord, je trouve que c'est très difficile pour les personnes... qui n'ont pas d'aide, de payer une personne, même 20 euros par heure, c'est extrêmement cher, mais ça n'empêche que c'est pas assez cher pour la personne qui fait le travail. Daphna Mouchnik, alors vous avez monté une agence qui s'appelle Logivité, qui compte 160 salariés. Si on se place du côté des bénéficiaires, donc de ces personnes âgées dépendantes, comment s'articule leur demande d'aide ? C'est vrai que les premières fois, quand on se rend compte qu'on a besoin absolument de quelqu'un, d'être aidé à la maison, c'est un peu... Les gens sont un peu perdus, les familles sont un peu perdues. Du coup, nous et beaucoup de services d'aide à domicile ont décidé de se positionner comme étant des décodeurs de ce qui existe. Il existe 3 grosses formules aujourd'hui. On peut décider d'employer directement, c'est pas le gré à gré, une personne qui viendra nous aider à la maison, parce qu'on la connaît, parce qu'on se sent en confiance. J'ai en tête comme ça des dames qui ont fait le ménage dans des familles pendant 20 ans, et puis les personnes ont vieilli, ils ont pas voulu avoir, et puis elle s'est transformée, cette femme de ménage, au fur et à mesure, sans même s'en rendre compte, en auxiliaire de vie, en préparant des repas, en réalisant des courses, et même en accompagnant les gens dans l'intimité, la toilette, etc. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on ne veut pas être employeur, on ne connaît personne. Il existe des services prestataires comme le mien, où normalement, on explique quels sont nos besoins et puis le service propose et organise la venue de l'auxiliaire de vie. Et puis, il y a un entre-deux qui s'appelle le service mandataire, où en fait, là, les gens sont l'employeur de leur aide à domicile, mais confient toute la gestion et toute l'organisation à un service qui va gérer sans pour autant être l'employeur de l'auxiliaire qui viendra. Et pour financer tout cela, bah, j'en ai un peu parlé, il y a l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est un dossier à remplir, voilà, en fonction du département dans lequel on se trouve, ça va relativement vite. Après, en fonction du département où on habite, ben, on n'aura pas la même somme, la même aide. Ça, c'est quand même un des grands problèmes de notre secteur. C'est que, en fait, aujourd'hui, il y a 101 départements, ben, il y a 101 politiques différentes de tarification et de mise en place de cet APA. Donc ça, c'est aussi quelque chose que devrait venir solutionner la loi Grand Âge et Autonomie qu'on attend. L'idée de confier l'action sociale au département, c'était d'abord et avant tout d'être au plus proche de la population et de pouvoir tenir compte de la spécificité de l'endroit où on se trouve. Je pense que là, ils sont dans une telle situation financière parce qu'ils ont pas que le soutien à domicile à financer, hein. Il y a le RSA, c'est quand même un budget colossal. Ben, on a un peu l'impression que on est un peu la variable d'ajustement à un budget possible ou non, quoi. Et aujourd'hui, il faudrait un socle commun et national de base. C'est pas possible que dans un département, alors là maintenant, je crois que ça a été revalorisé, mais il me semble qu'en Martinique, jusqu'à peu de temps, c'était à 13 € de l'heure. À Paris, c'est 19,67 €. Encore ailleurs, ça peut être à 22. Enfin, on comprend pas de tels écarts. Et aujourd'hui, moi, ce que j'appelle un peu de mes vœux, très fort, non pas un peu d'ailleurs, c'est qu'on arrête aussi de scinder aussi brutalement l'aide, l'action sociale du sanitaire. Je vais prendre un exemple qui est assez parlant pour tout le monde. Aujourd'hui, une vieille dame ou un vieux monsieur qui a besoin d'une aide pour la toilette et qui a une ordonnance pour cela, s'il fait venir une infirmière ou un service de soins à domicile, cette toilette va être prise en charge par la sécurité sociale. S'il fait venir un service d'aide à domicile, l'auxiliaire de vie qui réalisera cette même toilette, celle-ci ne sera pas prise en charge par la sécurité sociale, elle sera prise en charge dans le cadre de l'APA ou, au pire, de la poche de la personne qui nous fait venir. C'est un non-sens. En fait, auxiliaire de vie, quand on regarde bien, on fait le même métier qu'une aide-soignante. Voilà. On fait exactement la même chose qu'une aide-soignante. Par contre, le week-end, on fait venir les auxiliaires de vie pour faire la toilette à leur place. Donc, si on est capable de faire la toilette le week-end à leur place, c'est qu'on fait exactement la même chose qu'eux. On fait encore plus, parce qu'on fait la vaisselle, elles ne font pas la vaisselle. On fait les lits, on fait tout. On fait des levées, oui. Des repas, du ménage. On les mène chez les docteurs, partout. Administratif, enfin, on fait plein de choses. On les console, on leur discute, on est un peu leur psy aussi en même temps. Ça fait tout. Que l'aide-soin fait toujours le même travail. En fait, elle fait des toilettes. Mais on fait et pas vous êtes moins bien payé ? Ah bah bien sûr, beaucoup moins. De toute façon, on a l'impression qu'on est des têtes de turc. Si on dit quelque chose, on est des grandes bouches, quoi. Donc, moi, je suis réputée comme ça et je resterai comme ça. Après, les filles ont peur de bouger, c'est normal. On comprend, parce que c'est un métier où on est pratiquement des femmes seules, avec des enfants. Bon, moi, j'ai plus d'enfants, mais, enfin, chez moi. Mais s'il n'y avait pas cette peur-là, je sais que tout le monde serait dans la rue. Et heureusement que François Ruffin est là, parce que ça fait quand même depuis, moi, avec Annie aussi, on est à trois, quatre filles depuis 2016, on se bat. Mais bon, on sait très bien que ça sera, c'est pas demain qu'on sera toutes augmentées, c'est sûr et certain, mais au moins, on avance et on se battra. Moi, je sais que j'ai dit, il y a presque 5 ans maintenant, j'ai dit j'irai jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. On va au conseil départemental, on se bat pour avoir un vrai statut. Voilà. Les filles, elles demandent que toutes les interventions clients, elles soient financées, des remboursements aux frais réels, d'essence, des frais kilométriques, c'est-à-dire les assurances aussi. On nous demande de prendre des assurances professionnelles, mais ça coûte plus cher aussi les assurances. On est payé 0,35 centimes du kilomètre. Donc, il y a l'usure de la voiture, il y a tout. Pouvoir travailler le nombre d'heures qu'elle voudrait aussi. Il y a des filles qui veulent travailler beaucoup, d'autres qui préféreraient travailler moins. Éviter un défilé et des changements chez les personnes aidées aussi. Parce que les dames, elles aiment bien, ou les hommes, aiment bien avoir toujours les mêmes auxiliaires de vie. Hein. Plein de choses, quoi. Enfin, on s'en fout de nous. Moi, je vois, on nous disait les auxiliaires de vie, là, avec le Covid, les oublier. Ben oui, c'est vrai qu'on les oubliait. Monsieur Macron nous a oublié, des belles paroles comme d'habitude. Il faudra nous rappeler ainsi que notre pays aujourd'hui tient tout entier sur les femmes et les hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est ce qu'avait dit Macron, en fait. On aimerait bien le rencontrer, monsieur Macron. Est-ce que vous êtes syndiquées toutes les deux ? Moi, non. Pas pour l'instant, mais je pense être me syndiquer, en fait. Moi, je suis, oui, syndiquée, déléguée, syndiquée à la CGT. Les syndicats ont mis très longtemps à s'intéresser à ces salariés, puisque pendant très longtemps, on a considéré que ce n'était pas un vrai travail. Christelle Avril. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Les syndicats sont très présents et essayent de défendre les conditions de travail de ces femmes, parce qu'en réalité, il y a 3 conventions collectives dans ce secteur. Donc on a un éclatement en fait du droit du travail. Et il faut imaginer qu'une même aide à domicile peut être sur plusieurs statuts à la fois. Et c'est même le plus souvent le cas, c'est-à-dire qu'elles vont faire quelques heures en salariat du particulier. Avec des chèques emploi-service, par exemple. Par exemple, ouais. Et elles-mêmes ne savent pas qu'elles relèvent de différentes conventions collectives. On est dans une situation de travail très spécifique. On n'a pas de patron, au sens fort du terme. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire grève contre des personnes âgées dépendantes ? Comment vous faites un mouvement social, en fait, dans l'aide à domicile ? On le voit bien, l'hôpital, c'est déjà pas simple. Là, qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller faire son repas à une personne dépendante ? Voilà, bien sûr qu'elles sont dans une position structurelle qui rend très difficile la revendication. Quand des personnalités politiques s'emparent de ces questions, qu'est-ce que ça vous suggère ? C'est un signe très positif. Il y a eu aussi une saisine du Conseil économique et social. C'est évidemment très positif. Maintenant, on est dans un contexte où, par rapport, par exemple, aux années 80, on avait quelque chose d'extrêmement important, c'était les mouvements de retraités. Les années 80 ont vu émerger des conventions collectives dans l'aide à domicile. Ça a été une période de professionnalisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de syndicats de retraités visibles qui interviennent dans le champ politique. Et ça, c'est un problème. Puisque finalement, sans ce mouvement-là, il est difficile de faire complètement évoluer ces métiers-là. Et il y a quand même un truc qui est fou en France, c'est qu'il y a une convention internationale hein, de l'Organisation internationale du travail pour un travail décent des travailleuses domestiques que la France n'a jamais ratifiée. Et c'est un des rares pays qui l'a pas ratifiée. On serait tenu de donner les mêmes droits du travail à ces aides à domicile et aux autres travailleurs, comme l'inspection des domiciles par un inspecteur du travail, par exemple. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ah ben non, non. François Ruffin, vous êtes député France Insoumise de la Somme et vous avez rédigé avec l'un de vos confrères de La République En Marche, donc Bruno Bonnel, un rapport qui s'intitule Les métiers du lien. Pour quelles raisons il vous a paru important de placer ces métiers au centre de votre mandat ? D'abord, moi, comme journaliste et comme journaliste engagé, moi, j'ai accompagné des auxiliaires de vie sociale qui étaient en lutte parce qu'on les faisait changer de statut, qu'elles perdaient leurs frais kilométriques, qu'elles perdaient leur ancienneté, qu'elles perdaient des petits avantages qu'elles avaient acquis. Il y avait ça dans ma tête. J'ai vu aussi les AVS qui se sont occupés de ma grand-mère quand elle a été en fin de vie, quoi. Et un énorme décalage entre le temps qu'elles y consacrent, l'énergie qu'elles y mettent, l'affection qu'elles peuvent apporter dans la maison et l'absence de statut et les trop faibles revenus. Et pour moi, il y a des points communs entre tous ces métiers-là. Les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les animatrices périscolaires qui s'occupent des mégosses au centre Saint-Pierre à Amiens, et les assistantes maternelles, par exemple. Or, les métiers dont on parle, ce sont des métiers qui ont émergé dans ce temps où la précarité est devenue la norme pour les métiers populaires et dans un temps de décentralisation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de statut national, et il y a quand même une autre donnée aussi, c'est que ce sont des métiers de femmes. S'occuper des bébés, s'occuper des personnes malades, s'occuper des personnes âgées. Et finalement, les femmes l'ont fait gratuitement pendant des siècles au domicile. Maintenant, on les paye un peu pour qu'elles aillent le faire dehors. L'inconscient de la société, c'est qu'elles ne vont pas se plaindre en plus. on les paye un peu, c'est déjà pas mal. Il y a un enjeu qui est un enjeu féministe. Et il y a un enjeu qui est pour moi aussi écologique. Pourquoi ? Parce que où est-ce qu'on considère que sera le progrès demain ? Est-ce qu'on considère que ça sera dans un nouveau téléphone portable ? Dans 5G ? Est-ce qu'on considère que ça sera dans 2-3 frigos par maison ? Est-ce qu'on considère que ce sera dans plus de biens ? Ou au contraire, est-ce qu'on considère que ce sera dans mieux de liens ? Si aujourd'hui ces métiers sont dévalorisés dans la société, c'est parce que les liens sont eux-mêmes dévalorisés dans la société. Selon vous, ça passerait par quoi ? Alors, revaloriser ces métiers, leur statut, les salaires, puisqu'aujourd'hui, les politiques publiques mises en place ont montré aussi leurs limites. Dans l'histoire des auxiliaires de vie sociale, il faut voir qu'il y a eu tout un temps où on s'en est pas trop occupé, et il y a eu un espèce d'âge d'or en 2002. À la fois, il y a eu une convention collective qui a été établie, il y a l'APA qui est apparue, l'aide personnalisée à l'autonomie, il y a eu des règles qui ont été posées, et qui ont contribué là à un peu faire sortir le métier de la précarité, à un peu améliorer les revenus, et manifestement, pour les gens qui étaient dans le secteur, les associations, les salariés, les syndicats, on respirait, ça allait dans le bon sens. Et est arrivée la loi Borloo, qui a cassé tout ça en 2005. La loi Borloo, elle fait quoi ? Elle dit, bon, tout ça, faut le ranger dans le marché, faut qu'il y ait de la concurrence là-dedans, et boum, on casse. En espérant que ça va créer une masse d'emplois, on casse ça. On dit, bah voilà, il faut que ce soit des niches fiscales, de l'exemption fiscale, et on va fournir des aides fiscales pour que les gens qui veulent embaucher embauchent, mais sans construire un statut et des revenus pour les auxiliaires de vie sociale. C'est pas une fatalité. Il y a des lieux qui ont résisté à cette histoire-là. Je pense par exemple à la mairie de Dieppe, qui a fait le choix d'avoir des auxiliaires de vie sociale salariés de la mairie, qui a fait le choix de les sortir de la précarité, de toutes les passer en CDI, puis de toutes les titulariser, de leur garantir le salaire minimum, le SMIC mensuel, et d'essayer d'accommoder leurs horaires de travail, de leur fournir des groupes de parole toutes les semaines où elles peuvent aller discuter entre elles et qui sont considérées comme du temps de formation payé, et ainsi de suite. Ça peut nous nourrir pour ce que nous, on peut faire. Je pense que, par exemple, l'idéal... Je parle de mon idéal, même si je sais qu'il a peu de chances d'advenir immédiatement, mais c'est pas grave. L'horizon pour moi, c'est un service public national de la dépendance. Ou, de la même manière qu'on a un hôpital public, eh bien, on a un service public qui, là, vient accompagner les personnes âgées à leur domicile. Et avec un statut national, et pas sans statut pour 100 départements, et avec un revenu minimal national et pas des espèces de bouts de ficelle dans tous les sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça passe par des associations, mais je serais pas contre que demain, ça soit l'État ou le département qui très directement prenne en charge cette mission et la structure. Par exemple, vous connaissez l'ARACT, c'est les agences régionales qui s'occupent des conditions de travail. Moi, j'ai demandé dans mon département que l'ARACT accompagne toutes les associations pour leur permettre d'évoluer vers du travail en tournée. Ça veut dire que l'auxiliaire de vie sociale, elle commence à 7h du matin et elle travaille jusqu'à 14h. Et il y a une autre auxiliaire de vie sociale qui travaille de 14h à 21h. Et ça devient un travail normal. Il va y avoir des résistances budgétaires, mais il va y avoir aussi des résistances humaines. Et c'est bien normal. Je dis pas qu'il faut le faire dans la brutalité, mais je pense que on pourra pas évoluer sans aller vers à la fois la sectorisation et le travail en tournée. Voilà, je range les verres. J'essaie de les mettre là où elle a l'habitude de les ranger, parce qu'après elle va chercher ses verres comme Martine a dit une fois par semaine. C'est peut-être par ici. C'est bien rangé, c'est propre. C'est nickel. Dès les années 60, l'État a délégué aux structures privées la mise en place de ces services, et notamment à des associations. Donc les associations ont toujours été présentes, c'est elles qui font vivre ce secteur. C'est un secteur privé à but non lucratif. Donc ça, on ne peut pas ignorer cette histoire-là. Maintenant, on pourrait très bien imaginer qu'on reconnaisse la mission de service public de ces femmes, mission de service public déléguée à des associations. Et donc, on interdise au secteur privé à but lucratif, par exemple, de mettre en œuvre l'aide à domicile, ou encore que, du fait de la reconnaissance de cette mission de service public, on revalorise les conditions de travail et d'emploi de ces femmes, mais aussi qu'on forme mieux les structures associatives qui encadrent leur travail. Je vais vous donner un exemple, en fait, sur lequel j'ai enquêté, des chauffeurs de bus en milieu rural. L'entreprise sur laquelle j'ai enquêté, c'est une entreprise à laquelle le département a délégué une mission de service public qui va passer par maintenir des lignes qui sont pas rentables, etc. Donc moi, j'ai passé du temps avec ces chauffeurs de bus. J'étais dans le bus avec eux, voilà. Et qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert que comme les aides à domicile, ils travaillent pas toute la journée, ils travaillent tôt le matin, un petit peu des transports dans la journée, puis tard le soir. Et pour autant, ils sont payés à temps complet. Et pour autant, ils ont des lieux collectifs pour se retrouver. Ils appellent ça des dépôts qui ont été installés dans le département où, quand ils ont un trou, comme les aides à domicile, ils se retrouvent pour jouer à la belote, manger ensemble, etc. Donc, reconnaître une mission de service public, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire qu'on considère que toutes les pénibilités de leur travail, ces trous, l'isolement, etc., ça relève de la responsabilité de l'État. En compensation de cette disponibilité, on leur donne une augmentation de salaire. On considère que c'est du temps complet et pas du temps partiel quand elles ont un trou au milieu de la journée, etc., etc. Daphna Mouchnik, alors vous avez monté une agence commerciale et sociale. Est-ce que ce ne sont pas deux mots qui pourraient paraître antinomiques, a priori ? Je crois qu'aucun service d'aide à domicile aujourd'hui ne peut se dire à but lucratif, étant donné qu'on n'a pas encore de modèle économique et que les politiques sociales sont très fébriles pour permettre aux professionnels, quel que soit leur statut, de s'en sortir pour le moment. Moi, j'ai décidé d'adhérer très vite à ce que nous proposait à l'époque la loi Hamon, qui était de devenir une entreprise solidaire d'utilité sociale, parce que dans les faits, c'était déjà ce que nous étions et que cette appellation de à but lucratif, commercial, marchand ne me convenait pas du tout. J'avais envie que l'ensemble des salariés qui me rejoignaient dans cette aventure s'y retrouvent. Avec une lucrativité maîtrisée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de dividendes, mais ça veut dire qu'en fait une grande partie doit rester dans l'entreprise et doit être repartagée entre l'ensemble des salariés. Et pas d'écart de salaire de plus de 1 à 7, si je ne me trompe pas. Et avant que moi je gagne cette fois le SMIC, à mon avis, il va se passer quand même beaucoup de temps. Voilà. Et donc, c'est vrai que si on permettait à ces salariés, qui sont majoritairement des femmes, de pouvoir travailler à temps plein avec un salaire décent, en fait, par ailleurs, on ferait énormément d'économies sur tout ce qu'on peut apporter d'allocations sociales pour compléter et qui existe en direction de ces femmes, parce que c'est beaucoup de femmes, seules avec des enfants quand elles travaillent à temps partiel. Ces temps partiels devraient être complétés par de la formation, par des temps de réunion qui permettraient tout à fait de proposer des temps pleins si on permettait encore une fois aux organisations de pouvoir les financer et les sortir de cette précarité dans laquelle elles sont aujourd'hui. Il y a aussi en coulisses toute une équipe invisible dont on ne parle jamais, mais qui rend possible tout ça. Ce sont les travailleurs sociaux, les coordinateurs des services d'aide à domicile, les responsables de secteur qui vont rencontrer les gens, qui servent justement de décodeurs, d'accompagnateurs, qui créent du lien pour qu'ensuite la porte s'ouvre sur l'auxiliaire et qui continuent à accompagner les situations des personnes qui nous sont confiées. Tous ces professionnels ne sont pas pris en compte dans le mode de financement actuel. Si vous avez le temps, je veux bien que vous regardiez le sol dans la cuisine et dans les water et la salle de bain. Oui. C'est parce que je vois pas s'il y a des taches. Et là, le pull, il est propre. Oui, oui, oui. D'accord. Zineb, aujourd'hui, vous avez 23 ans, vous êtes toute jeune. Mais est-ce que vous imaginez faire ce métier toute votre vie ? Je vais dire non rapidement. Pourquoi ? À cause du côté physique. J'ai un très mauvais rapport au niveau des personnels, au niveau de tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle, parce que ma mère, en fait, en a été victime. Aujourd'hui, elle est sous maladie professionnelle parce qu'elle elle était femme de ménage et elle a beaucoup travaillé. Elle en a peut-être beaucoup trop fait et son boulot a clairement esquinté sa santé. et elle est assez jeune. Et en fait, inconsciemment, je me vois en elle. Et du coup, j'ai pas envie à 50 ans de plus pouvoir suivre physiquement. Par contre, le seul hic, c'est que tout ce qui est côté humain, ça, j'adore ça. Sauf que c'est pas ça qui paye, on va dire. Je connaissais déjà pas mal le métier d'auxiliaire de vie sociale. Avant de lancer ma mission, j'avais fait des dossiers dans Fakir comme journaliste. Mais il y a un truc que j'ai découvert, c'est le taux d'accident du travail chez elle. Le taux est supérieur au bâtiment. Deux fois plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une usure qui s'installe. Ça devrait nous poser la question aussi de quel métier on peut proposer ensuite ? Pourquoi il n'y a pas de passerelle vers les métiers du sanitaire ? Pourquoi il n'y a pas de passerelle vers les métiers d'encadrement de ces métiers-là ? Vers les métiers de formation à ces métiers-là ? Vous voyez ? Et donc ça, il faudrait le penser comme un véritable métier. Or aujourd'hui, ce n'est pas pensé comme ça, c'est pensé comme un bouche-trou. Et quand vous écoutez le gouvernement qui vous dit « Ouh là là, on va avoir besoin de centaines de milliers de postes parce que on a le pays devient de plus en plus vieux, il va falloir s'occuper de nos personnes âgées, et donc il nous faut des AVS, il nous faut des AVS, il nous faut des AVS », quelle est leur première solution ? C'est de dire « On va mettre en place une immigration choisie ». Je suis hostile à cette idée. Je ne suis pas hostile au fait qu'on ait de l'immigration, mais je suis complètement hostile au fait que, à la place de développer des filières de formation, de construire des statuts, de construire des revenus pour les personnes qui voudraient devenir AVS, on se dise non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans les pays qui nous entourent celles qui veulent bien le faire pour nos personnes âgées. Ce sont des métiers dont on sait qu'ils sont essentiels. Personne ne le nie, et pourtant, on accepte que ces personnes soient rémunérées sous le seuil de pauvreté. La finalité, ça doit être la dignité. Et je pense que aujourd'hui, un projet politique passe par ces métiers-là. C'est-à-dire que dans l'après-guerre, les héros de la reconstruction, c'était les mineurs. Eh bien, aujourd'hui, les héros du présent, les héroïnes de la reconstruction écologique, ça doit être ces métiers du lien, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, animatrice périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap, qui viennent apporter du bonheur, de la joie, de la tendresse. Et sans tendresse, qu'est-ce qu'on peut faire sans tendresse ? Ça va aller ? Je vais mettre la capuche. C'est chez moi, ça ? Non, c'est les voisins. Ça va ? Et vous ? C'est fini. Avec Zineb et Bella, Christelle Avril, Martine et Sylvie, Madame Galland, Daphna Mouchnik et François Ruffin. Prise de son Gilles Gallinaro, Frédéric Kérou et Thibaut Nassimben. Mixage Philippe Mercher. Coordination Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. L'aide à domicile En quête de reconnaissance, un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Anne Fleury. Bonne, cuisinière, majordome, serviteur, nourrice, homme de maison ou aide à domicile, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant la tournée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous vous proposons de vivre sans sexualité. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.